changer métier. Changer métier toujours dit nous. Toutes choses ont devenu nouvelles. M'bral raconter nous qui ça, qui passe un jeune garçon à Canada. Vous connaissez. Les jeunes hommes arrivent au Canada, ne veulent pas bon, pas travail. Ils pas gagner la blague. Ils pas venir nous, les jeunes. Les chances pour lui. Il y a un grand monde. En forme. Mais on a aussi un grand monde. Grand monde fait monsieur déclaration. Monsieur content, c'est Gabon, nous sauver. Et puis pour monsieur, il comprend que c'est un pays très jeune pour aller. Et pourtant, le prend en Lyon. Ah, parce qu'il n'y a pas de quoi pour arriver, il faut attendre. Ah, oh, grand monde dit chéri. Dans la caille. Et vivre la caille, il m'a pour qu'on même puis les premiers marches escaliers. Quand on a pris deux mêmes chez notre travail. Oh oh. Ça va, Lili. Chérie, allons faire le plein. Allons faire le plein. Allons faire le plein. Alors, le fou, tant pis. Quand on a demandé pour monsieur, le fou, tant pis. Et faiblesse, c'est fini par arriver. J'ai déjà, monsieur, pas de sortir le podium. On va, monsieur, commence à trembler. Et monsieur connaît, non faire le plein, faire le plein. Monsieur pas bon pisse. Il n'y a pas Texaco. Il n'y a pas Shell. Il n'y a pas Esso. Les pompes gazoline côté Léa, Guéamoko. Petro Canada. Monsieur connaît le blague de Baïsol. Il va posséder Baïsol en mêlée. Aïe aïe aïe. Sacré Valé qui est papa. J'ai dit bon, chéri, je ne vais pas docteur parce que je me sens que je ne suis pas capable. Comme on a dit, ben, dégage-moi avec le docteur, m'attends nous. Même chéri, veux le docteur, le docteur dit, sois senti. Il dit donc, je me sens que je ne suis pas bon. Je me sens tout le temps d'être crasé. Je me sens tout le temps d'être crasé. Donc là, dit bon, je vais le prescrire. Mais ça m'a prescrit là, c'est pour prendre trois fois par jour. Mais soit pour. Wap pren lambi bou kone, grenadia, karot, grenadine, kachiman Quebec. Se pou kon tout bagay sa, se sak pou sove ou sa pasan pa la nan. Dido, se pale tou nou, pase lotande, gan moun nan, li soufire, li kel kontan. Li gen pou la prele, ni kon a fè de vitesse supérieure pou la pman demen. Vitesse supérieure pour la pandémie. Et ma balle de vitesse supérieure quand même. Et ma balle nous, dimension. Vitesse supérieure. Et bien, vitesse supérieure, c'est 48 sur 8, 5 ferros, bon sous côté, des calamba, bloc, son boy. C'est alors. Monsieur commence à prendre médicaments correctement. Et puis, un jour, quand mon relais, monsieur dit, chérie, venez essayer nous. Venez essayer nous. Mais essayez à ce que vous vivez dans gazoline, vous avez trop gazoline, est trop plein. Vous fait pas de choses. Vous avez pris vous avez dit oui, oui, chérie, quand vous avez fait ce là, vous avez acheté un rigoise, vous avez assassiné ma côte d'ivoire. Vous avez battu ma veste dans l'eau. Pas capable encore. Pas capable. Vous avez la 3 du point.